Vendredi 13 mai, 13h13. Il fait une chaleur étouffante. Traversant la ville à vélo, aucune voiture ne circule. Des corps suants ingèrent des boissons sucrées aux terrasses des cafés. J'atteins péniblement Lydia qui me regarde d'un air fané. Nous sommes à Evere, devant le cimetière de l'avenue du cimetière. Après avoir mangé un spaghetti à la viande morte au café du pont, nous pénétrons dans ce lieu qui nous engloutira le jour venu. À mon amour, j'ai laissé partir à la dérive un petit quelque chose de moi, toi. Tu erres sur la ville, tu erres dans les rues et bouscules les rêves et les regards des passants. Souris, mon amour, et l'ami rassuré continue son chemin, sans ombre et sans souci. Anne. Sur toute chose, la nuit se pose et se repose. Longue est la nuit. Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon. Pour enrichir notre matière sonore, nous interviewons Philippe et Joël, les anges gardiens de ces lieux. En tant que gardien, on doit surveiller l'entrée, voir qu'il n'y a pas trop de voitures qui rentrent. C'est juste pour les voitures qui sont plus ou moins pensionnées ou les gens qui sont plus ou moins invalides. Et alors on surveille aussi qu'il n'y a pas de voleurs, tout un système. En fait, il y a les monuments qui ne sont pas abîmés. Il y a quoi à voler dans un cimetière? Croyez-moi que dans le temps, il y avait beaucoup à voler. De bronze. De bronze, le cuivre, le bronze. Vous êtes beaucoup à travailler ici? Comme gardien, c'est pas la même chose en fait, parce qu'ici, il y a... Moi, je travaille seul dans un autre cimetière. Lui, il travaille ici comme gardien, ils sont à deux, trois. Et le restant que vous voyez ici, les hommes qui remontent, c'est ceux qui travaillent dans le cimetière. Donc, ce sont les fossoyeurs. Les fossoyeurs, ils enterrent et tout, donc ils font tout bien pour la famille puisse se recueillir par après. Et alors, il y a une petite équipe de jardinage pour les entretiens et tout. Et quand il n'y a pas trop de travail, ben, les fossoyeurs font exactement la même chose que l'entretien. On va chercher les corps et on les accompagne jusqu'au cimetière. Et alors, on les accompagne pour la cérémonie. Pour la descente du corps et voilà quoi. Donc il y a des gens qui sont quand même il y a quand même des gens qui sont disons psychologiquement assez tristes et tout ce qui s'ensuit. Donc des fois ils font des choses qui c'est le choc et faut qu'on sache un peu gérer la situation. Ou des familles qui ne s'entendent pas ou des trucs comme ça. Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? C'est le temps. On a eu une formation aussi pour pouvoir gérer la situation des personnes qui sont agressives, on va dire. Au début, c'est vrai que, bon, moi, la première fois que j'ai fait, c'était pas évident parce que j'avais quand même des chutes de tension. Petite chute de tension. Surtout quand c'est un enfant aussi, mais c'est pas évident. Quand on arrive à passer ce cap-là, alors c'est. À ce moment-là, on se dit, alors, c'est un peu la routine. Ça devient alors, une habitude. Nous, on vient, en fait, une fois qu'ils sont dans la chambre froide, nous, on vient. On les prend, on les met dans le cercueil avec la gaine. Et alors à ce moment-là, de l'hôpital ou du dépôt mortuaire, on l'amène jusqu'ici. Et alors on les donne en main des fossoyeurs pour qu'ils l'enterrent. Ici, il y a toujours de la place. Il y a combien de morts à peu près par semaine ou par mois ou par an ou... Bon, alors là, vous me posez une solide colle, disons par jour. Juste pour nous, hein. Ouais. On peut compter deux à trois par jour. Deux à trois morts par jour, ok. Que nous on fait, nous, hein. On parle d'indigents, hein. Mais des fois, il n'y a rien, hein. Ouais, bien attention, sûr. Hein. Non, c'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne, hein. Et au niveau écologique, on se posait un peu la question, est-ce qu'il y a encore des pesticides? Non, c'est fini, plus. Ça, on peut plus, hein. Ça fait déjà depuis plus que deux ans, déjà, qu'on peut plus. Donc, depuis la loi est sortie, il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus rien, il n'y a plus de brûleurs, tout se fait à la main. Et est-ce qu'il y a des... parce que ça existe beaucoup en France, des cercueils en carton, enfin en espèce d'alliage? En fait, j'ai eu Anderlecht qui m'a téléphoné la semaine passée pour ce genre de système. Anderlecht va commencer, avant de commencer, ils se sont renseignés chez nous. Et ils ont demandé s'il y avait aussi des cercueils en carton. J'ai dit non, chez nous c'est pas possible d'avoir des cercueils en carton. Pourquoi c'est pas possible? tout ça dépend de la ville. Hein. Donc à ce moment-là, c'est eux qui décident si ce système peut se faire ou pas se faire. Ou peut-être parce que, vu la taille, le cercueil en carton, bon, c'est peut-être pas écologique non plus. Il faut voir aussi. Hein. Tout dépend de ça. Hein. Et je crois que la question d'écologie ici, ils ont déjà fait un gros effort parce qu'ils ont même mis des abeilles et tout ce qui sont suivis. Ça, ils ont fait aussi. Des ruches. Ils ont mis des ruches là-bas tout à fait en bas aussi. C'est les petites boîtes bleues là. Non, non, ce sont non. Des. C'est sur des terrains en fait. C'est sur des terrains. En fait, ils ont mis un derrière, dans le jardin ici, de chez eux. Et alors ils en ont mis un sur la pelouse, tout à fait là-bas en bas. Et aussi ce sont des belles ruches. Et ils viennent régulièrement voir le week-end. Les gens qui s'occupent de ça viennent en général le samedi, le dimanche, régulièrement, ils passent voir. Nous laissons les anges retourner dans leur essaim, tandis que nous reprenons la route, toutes deux apaisées, mais encore secouées par notre découverte. Au hasard des allées, fleuries et envahies par les lierres, nous sommes tombés sur la pierre d'Adrien de Bouvry, celui-là même qui donnait naissance, il y a quelques années, à Jeanne Kepis. Tout retombe pour mieux rejaillir.